Selon le journal d'internet sud-coréen Jeju Sibon, le comité de lutte de Songju contre la disposition de sod, le comité de mesures civiles de Kimchun contre la disposition de sod, le comité de mesures extraordinaires pour la terre sacrée Songju du bouddhisme Won et l'action nationale contre la disposition de sod ont tenu le 28 mars à la maison de débat politique du Parlement une conférence de presse pour réclamer au Parlement d'interrompre le déploiement en Corée du Sud de l'armement démoniaque américain. Par ailleurs, le 29 mars, les habitants de l'arrondissement de Songju de la province du Gyeongsang du Nord ont résolument barré la route aux camions que les autorités avaient expédiés ayant à bord les équipements pour la disposition de sod et qui se rendaient au terrain de golf de Songju, lieu de disposition.